graines de courge. Tous tes voisins te traitent de bourge. Pourtant, tu es méticuleux comme un écureuil. Ouais, tes voisins ont vraiment de la merde dans l'œil.